Et salut la radio, il est 11h, on est dans le hall de la maison communale de Plainvallée. Bonjour Antoine, bonjour Marie, jingle, bonjour. C'est bonjour. Pas... Attends. Radio Zine, est-ce une radio? Est-ce un fanzine? Est-ce un radis? Est-ce une usine? Nous allons le savoir aujourd'hui peut-être. Bonjour Emma. Bonjour Antoine. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ah oui, on commence normalement. Alors, avant de le savoir, trois respirations. Et bon matin. Bon matin. Marie, comment ça va? Mais ça va très bien. Très bien? Très bien. Ta météo du jour est plutôt belle. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Et toi Emma, bonne ambiance dans le ciel? Ouais, moi, bonne ambiance dans le ciel, bonne ambiance dans la tête. Très peu dormi, mais trop contente. Et toi Antoine? Ouais, à peu près pareil. Je me sens moins gris que le ciel qui est au-dessus de nos têtes, y compris celui qui passe au-dessus... en dessous du toit de la maison communale. Voilà, oui, merci de me remettre le micro. On a toujours ces problèmes de distance. J'espère que vous qui nous écoutez nous entendez bien. Sinon, envoyez un message au 077 485 83 48 pour nous dire si les niveaux sont pourris. Oui. En parlant de météo du jour, on va commencer continuer comme d'habitude avec un gros vent analogique qui... aujourd'hui, nous vient de Livorno. Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce ? Livorno ou voilà. Livourne. C'est ça. C'est parti. Pardon, j'avais mis le contrôle room à coin. Bon, j'entendais plus cette fréquence de toute manière. Plus vraiment. Bonjour fréquence. Ok, alors voilà, c'était encore de nouveau une grande réussite. Mais où se trouve Livourne? Mais Livourne se trouve exactement en Italie, c'est-à-dire en Europe, c'est-à-dire au bord de la mer. C'est aussi ça qu'on entendait en fait. Derrière le vent, on entendait normalement la mer. Ah voilà, ah oui. Livourne, c'est un de ces ports qui permet de prendre le ferry pour se rendre en Corse, en Sardaigne, exactement. En Sicile, si on a le temps. Exactement, Jamie. C'est tout à fait ça. Alors, les lunettes. Maintenant, une interprétation toute électronique. De ce gros vent de Livourne réalisé comme tous les matins par Loïs Castellano aka Trophée Aban. Merci beaucoup, bonne écoute. Ouh. Et voilà, merci beaucoup Loïs, merci beaucoup Trophée Aban. Comme d'habitude, des interprétations de ces gros vents de très grande qualité.